franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, hommage à Simone Veil, dont on a appris la disparition ce matin à l'âge de 89 ans. Rescapée des camps, puis femme politique, centriste sans concession vis-à-vis de ses valeurs, elle aura marqué l'histoire de la France, bien sûr, avec la loi sur l'avortement, sa grande œuvre. Il y a 40 ans dans ce pays, avant le vote de cette loi, on pouvait mourir d'un avortement clandestin, le spectre de la tricoteuse, comme on disait à l'époque. Alors, on se souviendra longtemps de la lutte des femmes et de celle qui, de son ministère de la Santé, a mené le combat fin 1974 contre vents et marées, contre les forces sociales, politiques, religieuses et machistes qui ne voulaient pas de cette réforme. Un enfant quand je veux et si je veux. C'est en janvier 1975, après un débat parlementaire très âpre, que les femmes françaises ont enfin conquis cette liberté fondamentale. La loi légalisant l'avortement, l'une des réformes de société les plus importantes de l'après-guerre en France, restera le marqueur essentiel du septennat de Valéry Giscard d'Estaing et de sa ministre Simone Veil, qui en est pour toujours l'incarnation. C'est l'histoire également de ces inconnus, de ces femmes, de leur combat et de Simone Veil bien sûr, que nous vous racontons aujourd'hui. Pour en parler avec nous, nous recevrons en seconde partie d'émission la secrétaire générale du planning familial, Marie-Pierre Martinet. Et puis, au micro d'Anaël Verzo, vous entendrez le témoignage de deux femmes qui ont avorté. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Jérôme Chelius et Coyen Guyen. ...1975, fin des 30 glorieuses, fin de 30 années où la France aura connu la croissance, le plein emploi, et dans ce confort, une évolution sociologique et philosophique dont l'acmé durera un mois en mai 1968. Quelques dizaines de mois avant ce coup de chaleur salvateur, et pour quelques années encore, la jeunesse de France et du monde occidental adoptera la love attitude. Faites l'amour, pas la guerre. Entendez peut-être au détour, faites l'amour sans risque, sans vous retrouver avec un enfant que vous n'avez pas voulu. En deux mots, la liberté pour les femmes. Rester femme, sans obliger d'être mère, parce qu'on veut profiter de la vie, surtout quand on est jeune. L'idée fait son chemin. C'est l'époque où le corps devient un slogan, un combat, une identité, mais pas partout. La télévision cache ce sein qu'elle ne saurait voir. Le cinéma lui expose les corps avec Dieu créé la femme, Le repos du guerrier ou La blonde de Pékin, Brigitte Bardot, Mireille d'Arc. Il les meurt aussi avec le célébrissime Jules et Jim de François Truffaut ou encore Une femme est une femme dans lequel Anna Karina incarne une femme selon laquelle le désir d'enfant est un choix et être mère n'est pas une obligation sociale. Déjà, il y a eu le combat pour la contraception. Quand les modernes qui l'entouraient lui parlaient de cette réforme nécessaire, le général répondait, le général de Gaulle, « Croyez-vous que je vais livrer la France à la bagatelle ?» Et puis finalement, face à la conviction du député gaulliste Lucien Neuwirth, un fort honnête homme, le général président a cédé. Première victoire pour les femmes, et quelle victoire! Mais de l'avortement, il n'est pas question, loin s'en faut. Au début des années 70, l'IVG est toujours un délit puni selon l'article 317 du Code pénal de 6 mois à 2 ans de prison. Pourtant, des milliers de femmes bravent l'interdit. Le nombre des grossesses non désirées et de recours aux avortements clandestins reste très important et se chiffre entre 250 et 850 000 par an. Combien en meurent chaque année? Combien deviennent stériles et traumatisées à jamais de devoir se cacher, mentir, risquer de mourir à cause d'une grossesse non désirée? Cette année-là, la mobilisation féministe s'organise. Aux États-Unis, comme en Europe, les femmes investissent la rue sous la houlette du MLF en France, mouvement de libération des femmes qui vient de voir le jour. La légalisation de l'avortement sera son combat. À l'Élysée aussi, les temps changent. En 1969, Georges Pompidou succède au général de Gaulle. En décembre 1970, au journal de 20h, on s'interroge sur l'avortement. Grâce à un reportage de la journaliste Rosie Morel, on découvre le quotidien de ces femmes qui ont interrompu leur grossesse. Aucun scoop en fait, juste des images qui révèlent une réalité que chacun connaît, mais qui au moins ont le mérite d'aborder le sujet. On sait aussi que l'avortement n'est pas le fait mineur de quelques marginales, mais un fait social qui touche toutes les classes, tous les âges, toutes les régions. Ce soir-là, à la télévision, on voit une jeune fille qui pourrait être notre sœur ou notre fille. Son visage est recouvert d'un drap. L'avortement clandestin s'est mal passé. Hémorragie, infection grave, septicémie, l'infernal triptyque. Puis, deux femmes témoignent, visage dans l'ombre. Eh bien, j'étais déprimée. Ça n'est pas du tout agréable de se faire avorter. Mais surtout aussi déprimée parce que je sentais que je faisais quelque chose d'illégal. Vous aviez un sentiment de culpabilité? Vis-à-vis de la loi, oui, mais pas vis-à-vis de moi-même, évidemment. J'ai avorté il y a un an et demi. Quel âge aviez-vous? 21 ans. Avez-vous un sentiment de culpabilité? J'ai un sentiment de culpabilité envers moi-même. Parce qu'on n'a pas le droit de supprimer ce qu'on crée. Vis-à-vis de la loi? Pas du tout. Si c'était à refaire? Je recommencerai. Et tant d'autres comme elle décident de ne pas baisser les bras. Entre femmes, sous le manteau, on s'échange les adresses de faiseuses d'anges, de cliniques suisses ou anglaises, de médecins compatissants. Des différences sociales font le reste, comme d'habitude. Les familles aisées prennent la route vers l'étranger, où l'avortement est autorisé. Pour les femmes des classes populaires, on risque les recettes miracles. Des tisanes d'armoire aux objets perforants, tringles à rideaux, cintres, aiguilles à tricoter, baleines de parapluie, entre autres. C'est souvent le samedi que ces désespérés risquent le coup, histoire de pouvoir se reposer le dimanche et reprendre le travail le lundi, sans éveiller les soupçons. Selon le MLF, cette année-là, en 1970, 5 000 femmes y laissent leur vie, 10 à 15 000 demeurent stériles à vie, 200 000 souffrent de maladies infectieuses. En attendant, rien ne bouge. Combien de victimes aura fait cette législation, voulant privilégier la morale, religieuse souvent, au détriment du bonheur, celui de la condition humaine, celle qui existe, pas celle qu'on invente. Ils sont nombreux, si nombreux encore, tous ceux qui œuvrent pour que l'avortement reste interdit, jusqu'à fonder un mouvement baptisé « Laissez-les vivre », rejetant dans les caves de la honte toutes celles qui ont voulu rester libres, les faisant passer pour des criminels. Notons au passage que « Laissez-les vivre » est animé par un juge, un homme qui ne risque pas de se retrouver enceinte. Lui, ils sont tellement nombreux à l'époque, ces hommes qui décident pour les femmes. Trop tard, elles ne s'éteiront plus. Le 5 avril 1971, un appel signé par 343 femmes publié dans le Nouvel Observateur sonne la charge. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Signature: Janita Abdellet, Monique Anfredon, Catherine Arditi, Marie Arditi, Hélène Argeliès, Françoise Arnoux, Hélène de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Colette Beck. Charlie Hebdo leur renommera l'appel des 343 salopes, 343 femmes qui défient les pouvoirs publics et annoncent haut et fort et courageusement qu'elles ont commis le délit d'avortement. Oui, c'était un délit à l'époque. C'est Simone de Beauvoir, la philosophe, l'auteur de L'essai le deuxième sexe, le best-seller féministe par excellence, qui écrit ce texte. À côté de sa signature, actrice, journaliste, comédienne, inconnue, apposent leur paraphe. Toutes ces femmes réclament le libre accès aux moyens de contraception et à l'avortement. L'avortement libre pour toutes, sans distinction sociale ou religieuse. Dans son éditorial, le directeur du Nouvel Observateur, Jean Daniel, parle de la fin de la conspiration du silence. Et c'est le cas. Le manifeste fait la une partout en France et en Europe même. Et le débat envahit la sphère publique. Quelques semaines plus tard, Simone de Beauvoir et l'avocate Gisèle Halimi fondent l'association Choisir, dont la vocation sera de défendre toute personne accusée d'avoir avorté. Nous sommes toutes les avortées. Nous sommes toutes les avortées. En En novembre, les 343 ont fait des petits. Elles sont désormais des milliers, ces femmes, à descendre dans la rue pour demander le droit d'interrompre volontairement une grossesse sans être inquiétées. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Un seul incident durant ce défilé pour montrer leur opposition au lien du mariage, 300 manifestantes se sont détachées du cortège en passant devant l'église Saint-Ambroise et ont pénétré dans l'église où avait lieu un mariage. Le silence n'est plus la règle. L'opinion publique vacille de plus en plus en faveur d'un changement de la loi. En coulisses, l'association Choisir rédige pendant l'été 1972, avec des hommes politiques progressistes, dont Michel Rocard, un premier projet de loi, un premier texte qui recense leurs revendications. Deux mois passent et en octobre 1972, un drame fait la une. Devant le palais de justice de Bobigny, le 8 octobre 1972, s'ouvre un procès d'un autre temps, et pourtant du temps présent, car l'avortement est toujours interdit. Depuis quelques mois, une jeune fille de 17 ans est poursuivie, accusée d'avoir avorté alors qu'elle est tombée enceinte après un viol. Cette fois, c'en est trop. Le procès fait la une, il devient une tribune pour la cause des femmes. La jeune fille, Marie-Claire Chevalier, raconte les raisons de son accusation dans un reportage diffusé au journal télévisé. Comment ça s'est passé avec le garçon ? Ben, c'était même pas mon fleur ni mon petit ami. Puis vous savez, dans les conditions où ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui. Et ce garçon, vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter ? Ah oui, je lui en ai parlé et il a pris peur et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé. À qui en avez-vous parlé en premier ? Au garçon d'abord, et puis ensuite à ma mère. Vous en avez parlé à votre mère ? Oui. Et j'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou, et puis c'était pas la peine, j'avais pas de situation, je venais de quitter l'école, j'étais pas préparée à avoir un enfant, et que je voulais pas être dans la même condition que maman l'a été quand on nous a élevés toutes les trois. Alors j'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter. Et votre mère a compris. Voilà. Elle vous a aidé. Ma mère m'a aidé comme elle a pu. Bien sûr, dans ces moyens, on avait que ces moyens-là. Si on avait eu d'autres moyens, on aurait fait d'autres moyens. J'aurais été à l'étranger. Mais on avait que ces moyens-là. L'histoire de Marie-Claire et de sa mère n'a pourtant rien d'exceptionnel. Elle est même dramatiquement banale. Fille d'une salariée de la RATP, élevée seule, elle n'a pu prétendre à une opération sans risque auprès de médecins qui réclament des sommes extravagantes, allant souvent jusqu'à 3 ou 4 mois de salaire. Les profiteurs de malheur. Marie-Claire, comme tant d'autres, doit chercher une solution moins chère, mais bien plus dangereuse. Le procès de Bobigny dévoile un peu plus la face cachée de l'avortement en France. L'opinion est émue. L'avocate Gisèle Halimi joue à fond la carte de la médiatisation. Elle transforme cette affaire en un procès de la loi. À la barre, les personnalités se succèdent comme témoins Jacques Monod et François Jacob, deux prix Nobel de médecine. Les professeurs Milliez et Palmer, médecins réputés. Michel Rocard, alors député des Yvelines. Simone de Beauvoir. Des manifestations ont lieu, des tracts sont distribués. Marie-Claire devient l'une, voire la figure de la lutte. Paris gagné. La jeune fille est relaxée. Les complices de l'avortement, dont la mère est l'avorteuse, passent également devant le juge. La mère est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. L'avorteuse, Michel Bambuc, est condamnée à un an de prison avec sursis. À la sortie du tribunal, Gisèle Halimi salue la décision qui soulage tant de monde et qui prouve une fois de plus l'obsolescence de la loi. Le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Est-ce que ce sont les témoignages des médecins qui ont davantage incité les juges à la clémence ? La clémence, je vais vous dire ce qui les a incités à la clémence, je crois que M. Pleven l'avait dit il y a déjà longtemps, quand il disait d'appliquer avec humanité les lois pour ce qui concerne les avortés, de réserver aux avorteurs professionnels, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Mme Bambuc, la rigueur. Je crois que les juges ont été troublés par ce débat qui a été fait et qu'il faut dire, ils n'ont pas fait ce... Je le regrette personnellement, je les engageais à faire le pas, le saut qualitatif, prendre la responsabilité, c'est leur droit et c'est leur devoir. C'est au juge de changer la loi et d'indiquer qu'elle ne peut plus être appliquée. Est-ce que c'est... Mais est-ce que vous avez... Ils l'ont fait à moitié. Au lendemain du verdict, les opposants à l'avortement réagissent avec vigueur contre la publicité faite à cette pratique dans les médias. Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, s'insurge dans West France contre le verdict du procès. Je le cite. « Si l'on admet que l'avortement est une chose normale et licite, il n'y a plus de raison de s'arrêter. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'en arrive pas aux extrémités qu'avec juste raison on a considérées comme étant les plus odieuses sous le régime hitlérien. » Oui, il a dit ça. Des propos tout en délicatesse qui prouvent la violence du débat à cette époque. Quoi qu'il en soit, la justice prend acte du procès de Bobigny. De 288 condamnations pour avortement en 1972, on passe à quelques dizaines seulement en 1973. La machine judiciaire s'interrompt, celle de l'Assemblée se met en marche. Et cette affaire arrive à un tournant. Avortement d'État. Si les femmes sont inconscientes, c'est de rester devant la loi, coupable de ce droit. Avortement d'État, sorcière de notre siècle, femme emprisonnée, femme jugée, sommes-nous en féodalité? L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État. Si les femmes sont inconscientes, ce n'est pas de tout ce silence, mais de leur force et de leur droit. Avortement d'État condamne encore les femmes, mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit. Le 9 janvier 1973, lors d'une conférence de presse présidentielle, Jean Grand-Messe qui n'a pas évolué depuis, Georges Pompidou demande qu'une fois les élections passées, un débat s'ouvre sur la contraception et l'avortement avec l'ensemble des représentants de la société, parlementaires, mais aussi représentants des religions et du corps médical. Un mois plus tard, les médecins donnent leur point de vue. À l'instar des 343 femmes et de leur manifeste, 331 médecins s'accusent publiquement d'avoir pratiqué des avortements. Au sein de la médecine française, le débat est vif. Certains sont pour, comme René Friedman, alors jeune médecin, qui n'est pas encore passé du bébé éprouvant au bébé éprouvette. Ce sera pour plus tard, écoutons-le. Je suis pour l'avortement libre et contrôlé médicalement, bien entendu. Car si on institue une commission, on ne fait qu'engendrer, que perpétuer la clandestinité des autres avortements. En effet, 5% simplement des femmes seront sujets à l'avortement thérapeutique. Que feront les autres? Nous aurons exactement le même problème, nous aurons toujours les mêmes affres de mort par septicémie ou d'autres mutilations, et c'est essentiellement contre ceci que nous luttons. Est-ce que ce problème de l'avortement concerne uniquement la femme ou véritablement le couple? Elle concerne la femme et le couple. Il est évident que si le couple est uni, il n'y a aucun problème. Si le couple est désuni, c'est à la femme qui porte l'enfant de prendre sa décision. À l'inverse, le professeur Lejeune, proche de l'association Laissez-les vivre, dans sa logique, accuse les signataires du manifeste. De quoi s'accuse-t-il? Il s'accuse d'avoir changé de camp et d'être maintenant non plus du côté des malades, non plus du côté des hommes, mais du côté de la mort. Finalement, ils font beaucoup de bruit. Il faut crier très fort quand on est seulement 300 pour donner l'impression qu'on est une foule. Mais ce ne sont pas les cris qui font la médecine. Ce ne sont pas les décisions, c'est la réalité. Nous avons la vie entre nos mains si nous ne la respectons pas, nous ne sommes plus dignes d'être médecins. Tout est là pour choisir la médecine qui soigne ou celle qui tue. N'en déplaise au professeur Lejeune, ce qui tue encore en 1973, c'est le non-accès à la médecine qui permet aux femmes d'avorter sans risque. À l'Élysée, la maladie emporte le président Pompidou. Il meurt sans avoir réussi à changer la loi sur l'avortement, mais elle a eu le courage de lancer les débats autour d'une loi dépassée par l'évolution de la société. Le texte proposé par son ministre de la Santé, Michel Poniatowski, à l'époque, autorisant l'interruption de grossesse en cas de risque pour la santé physique, mentale ou psychique de la femme, est tout de même rejeté. Soit par des parlementaires qui refusent toute avancée, soit par certains de leurs collègues qui, eux, jugent que le texte est trop restrictif. Cette fois, tout de même, on le sent, les lignes bougent. Maintenant, si la donne doit changer, ce sera au prochain président de s'emparer de la réforme. Et vient le temps de la campagne. Pendant la campagne présidentielle de 1974, tous les candidats sont interrogés sur le sujet de l'avortement devenu prégnant dans le débat public. Jusque sur les bancs du lycée où, avec la peine de mort, il est l'objet pédagogique de discussions en cours de français, par exemple. Et le 19 mai 1974, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui entre à l'Élysée. Il s'est prononcé pour une modification de la loi lors de sa campagne. Simone Veil, nouvelle ministre de la Santé, sera donc en charge du dossier, non pas le ministre de la Justice, car l'avortement est désormais une question de santé publique, ce n'est plus une question judiciaire, subtile. Plus pertinent encore, c'est une femme qui portera le projet. Un homme à cette place eût été une grossière erreur. Première mesure, le 10 juillet 1974, la loi d'amnistie efface toutes les peines liées à un avortement. Dès son arrivée, Simone Veil fait adopter à l'Assemblée le remboursement de la pilule par la Sécurité sociale et l'anonymat pour les jeunes filles mineures. Encore un progrès. Maintenant, il faut s'attaquer à la grande réforme, la légalisation de l'avortement, affaire encore très sensible. Il faudra à Simone Veil une année pour préparer son projet de loi. Le 26 novembre 1975, Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, ouvre les débats. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse. À l'extérieur du Palais Bourbon, les représentants de Laissez-les-Vivre manifestent jour et nuit devant l'Assemblée, distribuant des tracts et des photographies de fœtus. À l'intérieur, depuis plusieurs jours, c'est l'effervescence. Une partie de la droite ferraille contre le projet. L'autre, fidèle au président Giscard d'Estaing, se retrouve dans le même camp que la gauche et soutient le texte. C'est Henri Berger, le rapporteur de la loi, qui le premier s'exprime. Puis, Simone Veil prend la parole. Seule, elle fait face à 481 hommes et 9 femmes. Au cours de la discussion, je défendrai ce texte au nom du gouvernement, sans arrière-pensée et avec toute ma conviction. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé à un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la conformation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Alors, les intervenants se succèdent et l'opposition est vive dans les rangs gaullistes. Michel Debré, ancien Premier ministre, de tout temps obsédé par la démographie, met cet argument en avant, comme si des enfants non désirés ou sans père devaient naître quand même pour la cause démographique. Mais l'Assemblée connaît de grandes heures, car les travées sont pleines et on débat, on s'invective. Les interventions des députés sont plus théâtrales que jamais, y compris pour le pire, quand elles sont sonores. Avec cet élu du peuple muni d'un radiocassette qui fait entendre des battements de cœur de fœtus enregistrés. Et les propos deviennent violents, ceux de Jean Foyer, encore lui par exemple, écoutons-le. Qu'a fait le gouvernement lorsqu'un périodique féminin a publié au début du mois d'octobre, à grand fracas, un article scandaleux et des photographies qui ne l'étaient plus encore, sur le thème « Avorter, cela est vite fait, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas cher, ça ne fait pas mal ». Vous n'avez pas réagi hier, vous ne réagirez pas davantage demain. Et n'en doutez pas, déjà, des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort, et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs, où s'entassent des cadavres de petits hommes, et qu'un certain nombre de nos collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. Face à ces attaques des alliés d'hier, Simone Veil reste impassible. Elle accepte les critiques et les coups qui chaque jour sont de plus en plus haineux. C'est Jean-Marie Daillé qui obtient la palme de l'horreur lorsqu'il indique que cette loi institue l'envoi d'embryons humains au four crématoire. Oh, il s'excusera. Mais le mal est fait. Simone Veil n'est pas épargnée par les attaques personnelles, notamment sur son passé concentrationnaire. Mais la ministre garde le cap, s'active en coulisses pour obtenir un silence de l'Église, un soutien de la présidence et de Matignon, des alliés de circonstance à gauche qui réclament le droit à l'avortement depuis 1965. Elle accepte des évolutions mais refuse tout recul sur la possibilité donnée à la femme d'interrompre sa grossesse, si elle le décide. Le 29 novembre 1974, à 3h40 du matin, les débats s'achèvent après 25 heures de discussion houleuse animée par 74 orateurs. Alors Edgar Faure, le président de l'Assemblée, annonce les résultats. Le texte est adopté par 284 voix contre 189. Merci, Madame la Ministre, mais aussi merci à Marie-Claire, Catherine, Christine, Michel, Gisèle, Geneviève, Josiane, Isabelle et tant d'autres, à ses mères, ses pères, ses frères et ses sœurs qui, avant cette date, ont accompagné ces femmes oubliées des Trente Glorieuses qui, pendant des décennies, ont bravé l'interdit au risque d'y perdre la vie. Le 17 janvier 1975, la loi Veil est promulguée. Les femmes peuvent désormais demander à être avortées durant les 10 premières semaines de leur grossesse. L'avortement ne peut cependant être conduit chez les mineurs non mariés qu'avec l'accord d'un parent ou du représentant légal. Il doit obligatoirement se dérouler dans un établissement d'hospitalisation publique ou privé pourvu qu'il soit agréé. Tout le personnel amené à y participer peut faire jouer une clause de conscience. Et cette clause a même été étendue aux directeurs et conseils d'administration des établissements privés. Il faudra attendre l'arrivée de la gauche aux affaires pour que l'IVG soit remboursé par la Sécurité sociale. En juillet 2001, Martine Aubry réforme la loi Neuwirth et la loi Veil rallonge le délai légal d'interruption volontaire de grossesse de 10 à 12 semaines. L'autorisation n'est plus obligatoire pour les jeunes filles mineures. La pilule du lendemain est distribuée gratuitement aux mineurs dans les pharmacies. Le 26 novembre 2014, 40 ans après, la résolution visant à réaffirmer le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse en France a été largement acceptée par l'Assemblée, mis à part le refus de 7 députés, des hommes, qui préfèrent sans doute voir revenir les temps anciens, où les femmes mouraient en cachette pour avoir fait le choix d'être mères quand elles le voulaient. 40 ans plus tard, l'avortement est toujours un combat en Europe, comme dans le monde. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eva leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes, elle est lapin pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. En plus pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaire sensible aujourd'hui, la loi légalisant l'avortement en France. Je rappelle que c'était en janvier 1975, même si les débats dont on se souvient ont eu lieu pendant l'automne de 1974. Bonjour Marie-Pierre Martinet. Bonjour. Alors vous êtes notre invitée. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes secrétaire générale du Planning Familial, une association fondée en 1956 sous le nom de Maternité Heureuse et qui rassemblait dès ses premières heures des femmes et des hommes qui militaient pour la modification de la loi de 1920 sur l'avortement et pour une politique contraceptive en France. Alors, il y a une précision qu'il faudrait quand même donner, qu'on n'a pas abordée dans le récit, parce qu'il faut bien faire des choix, et après tout, cette partie interview est un complément. C'est qu'à l'époque, le combat de Simone Veil était un combat sanitaire pour sauver des femmes du risque de la mort quand elles avortaient, ou du risque du traumatisme à vie. Il y avait dans le même gouvernement la secrétaire d'État à la condition féminine, Françoise Giroud, qui, elle, dans son rôle, considérait l'avortement comme étant cela, évidemment, une mesure de protection pour les femmes, une mesure de libération de la femme. Ce qui n'était pas forcément dans l'esprit de la loi de Simone Veil. Elles ont été plus ou moins en conflit. Hein. Mmh. Ça s'est pas trop vu, ou quelquefois quand même. Françoise Giroud lançait 2-3 pics. On savait bien où se plaçaient les deux femmes. Bon, aujourd'hui, on peut considérer que la loi sur l'avortement est telle qu'elle est pratiquée, avec les évolutions qu'elle a connues, est à la fois une loi qui protège du danger qu'on a évoqué et qui libère les femmes. On est d'accord. C'est les deux maintenant. Bon an, mal an, oui. On va dire que c'est une loi qui protège les femmes, même si, si elle a effectivement été légalisée, toute la partie légitimité reste encore à conquérir. Reste encore toujours un peu coupable, un peu traumatisé ou forcément un peu idiote, parce qu'on n'a pas su gérer notre contraception. Et on oublie aussi souvent, d'ailleurs, ceux qui pensent encore comme ça, considèrent aussi que l'avortement, voilà, est un geste anodin. Ça n'est pas un geste anodin. C'est jamais un geste anodin. D'ailleurs, par essence, faire un choix, c'est renoncer. Oui, déjà, donc il y a des choix qui sont plus ou moins difficiles, et c'est vrai que quand les femmes sont enceintes, la question de est-ce que je poursuis ou pas la grossesse se pose, et que quand on arrive pour des raisons X ou Y et qui leur appartiennent à faire un choix d'interrompre cette grossesse, c'est après une réflexion, on pèse le pour le contre, est-ce que c'est le moment, pas le moment, etc. Si on peut en discuter effectivement en couple, bah, c'est super, si on peut pas, bah, faut se débrouiller toute seule. Donc ça, effectivement, c'est jamais quelque chose, enfin je veux dire, c'est jamais je veux pas le rendre plus traumatisant qu'il ne l'est, parce que ça n'est pas traumatisant, à partir du moment où c'est un choix. Et si, ce qui est important, c'est d'arriver à faire ce choix dans les meilleures conditions possibles. Et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais choisir, c'est renoncer. Non. Alors, quelle était la position, alors vous êtes trop jeune, madame, pour témoigner de ce qu'était. Oui, pour témoigner de ce qu'était le planning familial à cette époque, de ce qu'il a fait, comment ça s'est vécu, mais vous connaissez bien sûr l'histoire de votre association. Quelle était la position du planning familial au sujet de l'avortement avant le vote de la loi Veil? Comment ça se passait? C'était de la protestation? C'était quel genre d'action? Alors, il y a eu plusieurs phases. Le planning s'est créé effectivement en 56 sur une revendication de la maîtrise de la fécondité. Oui. Dans un premier temps, parce qu'effectivement, l'un des médecins qui a créé le planning, le docteur Lagroix-Vaillalé, avait constaté dans les services d'urgence, ce qui se passait concrètement, faute de contraception. Donc la bagarre, dans un premier temps, la bagarre du planning a été sur la question de la contraception. Mais on voit très vite au sein du mouvement, et puis il y a 68, enfin on voit comment les choses évoluent, la loi de 67 de Lucien Neuwirth, très vite, ne pas oublier que les décrets ne sont sortis qu'en 72 pour la loi sur la contraception. Ça veut dire que pendant 4 ans, voire si je compte bien même 5, on n'a pas eu un accès très facile. Par contre, très vite derrière la question, d'accord, ok, la contraception c'est important, mais en cas d'échec contraceptif, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi pouvoir avoir recours à l'avortement. Contraception, et c'était vu comme avortement, contraception, étant les deux facettes d'un droit des femmes à maîtriser leur fécondité. Et là, on va avoir au sein du planning des tensions importantes, avec un mouvement qui va dire non, on a la contraception, tout va bien, puis un autre mouvement qui dit non, il faut aller encore plus loin parce que les droits des femmes méritent encore d'être conquis, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est cette deuxième partie, je dirais, qui va emporter le morceau, notamment sous la conduite de Simone Yves, qui est une de nos grandes présidentes, qui a largement contribué à la fois à la création du MLAC, du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui faisait des avortements clandestins, alors, oui, donc mais dans familial, de bonnes conditions. Non, mais était donc partie prenante de ces avortements clandestins. D'accord. Complètement. Alors, c'est intéressant de parler des femmes qui ont avorté. C'est encore plus intéressant et utile de les entendre. Alors, on va en entendre deux, grâce au reportage d'Anaël Verzo, qui rencontrait alors une femme qui a avorté en 1983, qui s'appelle Sonia, et une autre qui vient d'avorter. Elle s'appelle Pauline, elle a 21 ans. Autrement dit, quelle est la marque du temps sur une réforme qui, au fil des années, a évolué? Là, on s'est installé avec Sonia et Pauline, et on s'est installé dans le salon de Sonia, à Paris, autour d'une table. Et ce qui nous réunit là aujourd'hui, c'est que vous avez toutes les deux avorté. Oui. Vous, Sonia, c'était en quelle année? En 1983. Donc Pauline n'était pas née. Hein. Voilà, c'est ça. Ça s'est passé à Londres parce que j'avais dépassé la date légale. J'étais enceinte de 21 semaines, c'est-à-dire plus de 5 mois, suite à un viol. Je venais d'arriver d'Algérie, et donc j'étais sans papier. Je travaillais quand même au noir, à l'époque c'était plus facile de trouver du travail, dans un restaurant. J'ai pris le train jusqu'à Ouistreham, à l'époque il n'y avait pas d'Eurostar. Après à Ouistreham, il fallait prendre un shuttle, une espèce de bateau qui gonfle comme ça. J'ai été terriblement malade, je suis arrivée, j'avais un petit papier. Le taxi, c'était la première fois de ma vie que je voyais un taxi londonien, m'a emmenée à la clinique. Ils m'ont accueillie tout de suite, ils m'ont fait une échographie, prise de sang. Je suis restée une nuit. Le lendemain matin, ils m'ont conduit au bloc. Et à 18h, je suis sortie, parce qu'il fallait sinon payer plus. Je saignais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai repris mon shuttle pour revenir en France. Pendant la traversée, j'ai fait une très très forte hémorragie. Vous étiez seule ou accompagnée? Non, j'étais seule. Tout du long, vous étiez toute seule? Tout le temps. Je suis descendue aux toilettes du shuttle, j'ai pris carrément le rouleau qu'il y avait pour s'essuyer les mains. Je me suis débrouillée pour en couper un gros morceau et pour en faire des serviettes. Puis après, je suis rentrée dans un état très faible, très très affaibli. Mais psychologiquement, j'étais soulagée. Enfin, c'était un viol, quoi. Donc, il était hors de question pour moi de garder cet enfant. Ça fait 30 ans, un peu plus, mais il m'arrive d'y penser encore en me disant, bah tiens, il ou elle aurait tel âge, je serais déjà certainement grand-mère. Mais je n'ai pas de regrets quand même. Et quelques années après, j'ai eu mes enfants. Et deux d'un coup, hein. Fait froid, c'est bon un thé de ce temps-là. Voilà, attendez, je vous sers aussi. Vous voulez du sucre? Je veux bien, moi. Pauline, vous avez 21 ans. Oui. Et vous êtes étudiante? Oui, à la Sorbonne Nouvelle. Moi, c'était en août dernier. Et donc, j'étais enceinte d'un mois et demi environ. J'ai subi un avortement médicamenteux. Pour quelle raison est-ce que vous avez décidé d'avorter? En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais contente et je pensais sincèrement le garder. Et en fait, j'y ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon copain, qui lui était d'abord d'accord, puis au final, il s'est un petit peu rétracté, il a pensé que c'était un petit peu tôt. Et du coup, quand j'en ai parlé avec ma famille qui m'a beaucoup soutenue, je me suis dit que c'était quand même un peu tôt et que par la suite, je pourrais tout à fait tomber enceinte. Donc, Vous aviez quel âge à ce moment-là? 21. 21, c'était juste là, au mois d'août. Il n'y a pas du tout une notion comme ça de tuer une vie ou de... Je sais pas, ça ne m'est pas du tout venu à l'esprit, en fait. de me dire je faisais quelque chose qui n'était peut-être pas moral ou quoi, non, pas du tout. Et l'avortement en lui-même, alors, comment ça s'est passé? J'ai vraiment hésité, vraiment beaucoup, jusqu'au dernier moment. Ça s'est passé un mercredi, et le vendredi, j'ai pris les cachets. Et donc là, j'ai vu ce que c'était, parce que dans mon imaginaire, et visiblement dans l'imaginaire de plusieurs jeunes femmes comme moi, c'était quelque chose, pas d'anodin, mais ouais, je pensais pas que c'était si douloureux que ça, parce que j'ai eu très très mal, et si intense en fait. J'ai vraiment senti que j'évacuais quelque chose et que... Ça fait mal où? Au ventre ou... J'ai eu très mal au ventre et j'ai surtout eu très mal au dos. Ça m'a pris une douleur. Et ça a duré toute la nuit? Toute la nuit, ouais. Toute la nuit où on me perd de sang. Enfin, c'était abondant, quoi. Puis au bout d'un moment, il y a quand même vraiment la poche et l'œuf qui s'évacuent. Donc là, il faut aller aux toilettes parce que, enfin, on peut pas contenir... Voilà. C'est une semaine après que là j'ai eu le contre-coup et ça a été assez sévère. Mais ça va, c'est mieux maintenant. J'ai un peu évacué là, je me sens mieux, c'est plus facile. Et votre copain, vous êtes toujours avec lui? Oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Lui, il est en master de sociologie. On vit plus ou moins ensemble, ça doit faire 2 ans en fait, 2 ans et demi même. Vous voulez un enfant plus tard? Ah oui, moi, pour moi, oui. Dans mon idée, d'ici 2 ans... 3 ans maximum, j'ai un enfant. Il est d'accord? Lui, il est d'accord. Il me dit que dès qu'on a un travail, que c'est sûr, lui, c'est juste ça qu'il freine. C'est pas le fait d'avoir un enfant en soi, c'est de pouvoir vraiment l'avoir dans de bonnes conditions, quoi. Ça se fera, quoi. J'espère. Affaire sensible, aujourd'hui, la loi sur l'avortement de 1975. Notre invité, Marie-Pierre Martinez, secrétaire générale du planning familial. Que vous inspirent ces mots de femme qu'on vient d'entendre? Beaucoup de tendresse. Le planning a cette particularité, c'est qu'on a beaucoup, on a tout construit sur la parole des femmes, la parole qu'on entendait des femmes, des difficultés qu'elles vivaient. C'est aussi ça qu'a fondé sa politique et son militantisme. Et je crois qu'il n'y a pas mieux placé que les personnes pour parler d'elles-mêmes. Ne parlons pas sur elles, ne parlons pas à leur place, mais écoutons-les. C'est bien ce qu'on vient de faire, effectivement. Absolument. Depuis 1975, quelles ont été les avancées? Parce que c'est vrai que la loi, enfin l'essentiel a été voté, c'est-à-dire la légalisation de l'avortement, mais il y avait quand même un aspect un peu restrictif, parce qu'il y avait tellement d'opposition que Simone Veil a dû négocier, bon, alors je vous donne ça, on garde ça, bon. Et donc ça a évolué. Quelles ont été les évolutions importantes? Les évolutions, vous en avez cité une partie avec la loi de 2001, mais ce qu'il faut noter, c'est que 79, on a revoté la loi. Puisque la loi, au moment de Simone Veil, n'a été votée que pour 5 ans. J'ai une espèce de loi à laisser. Est-ce qu'elle avait dit à ses propres troupes, qui s'étaient un peu braquées, elle leur avait dit, oui, écoutez, on va voter ça, voilà, on peut évoluer, mais pour l'instant, on va voter que ça. Et on retient, d'ailleurs, on a complètement oublié 79. Aujourd'hui, donc 2001, on a posé une loi qui est un peu plus articulée, c'est-à-dire qu'elle pose bien la question de l'accès à l'information et à l'éducation, notamment tout ce qui est éducation à la sexualité, la contraception et l'avortement dans une même loi. On a effectivement considéré, à l'instar de ce qu'avait fait d'ailleurs Simone Veil sur l'accès à la contraception pour les mineurs en centre de planification de manière anonyme et gratuite, que les mineurs étaient en capacité de décider pour elles-mêmes si elles pouvaient avoir recours ou pas à une IVG sans l'autorisation des parents. Elles ont besoin d'un référent adulte, mais pas forcément, il n'y a pas d'autorité parentale nécessaire. L'allongement, alors après, maintenant le problème c'est l'application. On a une loi qui dans les textes, bon après on peut discuter sur est-ce que 12 semaines c'est bien, c'est pas assez, enfin peu importe, mais très concrètement aujourd'hui on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui est fait contre les établissements qui ne respectent pas la loi de 2001, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'aller au-delà de 10 semaines c'est compliqué ou ça, ils font pas. Le fait qu'on a aussi de plus en plus de médecins qui étaient impliqués, qui partent à la retraite, que ça fait pas partie vraiment de la formation initiale des médecins. Ben ça se voit d'ailleurs, cette jeune fille qui souffre, il y a un manque de combat contre la douleur. Alors il y a un manque, il y a un déficit de prise en compte de la douleur. C'est vrai que sur la question de l'IVG médicamenteuse, chaque personne est vraiment particulière, donc il y a toute la question de l'accompagnement sur cette question-là. Mais quelque part, moi je suis à peu près persuadée qu'il reste dans la tête d'un certain nombre de praticiens quelque chose de l'ordre de « oh mais tu as fauté », quelque part il faut que tu saches que pour faire passer l'envie d'y revenir. Chape morale, encore. Oui, tout à fait. Il y a un jugement moral, il y a une chape, elles sont jugées, une femme est toujours suspecte de ne pas vouloir d'enfant. Bien, on continue la discussion dans trois minutes après avoir écouté ce qu'on écoutait parmi beaucoup de tubes en 1975, Chicago et Philippe Vinard. Pierre Martinet, secrétaire général du planning familial, nous parlons de l'avortement. Il est clair qu'aucune femme, j'imagine, ne va subir, ou bien subir, une intervention volontaire de grossesse, même si c'est un choix, elle n'y va jamais comme ça, de façon anodine, tranquillement. Il n'y a pas d'IVG de confort. C'est tout à fait clair. Alors, est-ce qu'il y a un soutien psychologique de la part de ceux qui pratiquent, donc légalement, les médecins, l'avortement pour des jeunes femmes, surtout les jeunes, pas encore armées, peut-être moralement, pour affronter cela? Mais je crois que la question, elle ne se pose pas forcément dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément aux médecins d'assurer un soutien psychologique. Je pense qu'il est important, c'est que les personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, aient des espaces où elles peuvent en discuter en toute liberté, où elles peuvent avoir de l'accès à l'information. C'est aussi notre boulot. Je dis juste ça, c'est qu'il faut... À partir du moment où on sort cette question de la culpabilité, de l'injonction au traumatisme obligatoire, de forcément du traumatisme psychologique après un avortement, on se pose jamais la question du traumatisme après une grossesse qui n'est pas voulue. Je crois que c'est les espaces à trouver. Mais plus on arme les gens en termes d'information, plus on les aide à faire des choix, et du coup, moins il y a besoin de les soutenir derrière, parce qu'ils sont autonomes. Alors, au passage, pour rassurer la mémoire de Michel Debré, qui était un personnage important de l'histoire récente française, premier ministre du général de Gaulle, rédacteur de la Constitution, alors il était obsédé par la démographie. Bah écoutez, on s'en tire bien, je crois qu'on a un des meilleurs taux de natalité en Europe. Absolument. Bon, voilà, cela étant dit, on parle de l'Europe justement, ce combat pour l'IVG, donc il a été gagné en France, mais il faut rester vigilant, on en parlera. La situation en Europe, on connaît beaucoup de disparités, alors je pense à l'Irlande, notamment, alors, il n'y a pas que ces pays-là. Non, il y a, pour mémoire, souvenons-nous que Malte et la Pologne, mais même l'Irlande, ont conditionné leur entrée dans l'Union au fait qu'on ne parle jamais, que l'IVG ne fasse jamais partie des prérogatives de l'Union, mais reste à la subsidiarité des États. Aujourd'hui, l'Irlande a quasiment pas bougé depuis, malgré le décès de la jeune femme il y a quelques temps. On a une petite amélioration de la loi. L'Espagne, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Malte, c'est toujours strictement interdit. La Pologne, la Russie revient dessus. La Macédoine aussi. Enfin, on sent qu'il y a des mouvements, tant qu'à l'Italie... Alors là, l'Italie, c'est une situation absolument aberrante parce qu'il y a une loi, mais 70% des médecins refusent de faire les IVG. Donc, heureusement qu'il y a les pays du Nord qui font encore des efforts et qui considèrent même que si on veut pas faire d'IVG, on fait pas gynéco. Carrément. Ouais, moi je trouve ça bien. Donc en Italie, la loi est appliquée. Heureusement, l'avortement est légal. Disons que pour les femmes italiennes ont plus de difficultés à trouver des médecins. Quoi. Il faut qu'elles cherchent c'est plus. C'est clair. Bon. Pourquoi il n'existe pas de loi européenne sur le sujet après Parce tout. Que la santé n'est pas une compétence de l'Union. C'est une compétence des États. Bon, mais ça change ça. On pourrait le changer, mais en l'état actuel, vous avez vu la couleur et la composition du Parlement, des différents ou du Conseil de l'Europe. On peut pas dire qu'il soit extrêmement chaleureux comme couleur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vouloir, ce serait notre souhait le plus clair, d'avoir effectivement une vraie loi sur l'IVG. On a vu récemment à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe une députée anglaise qui a voulu travailler juste une homogénéisation justement de la clause de conscience au niveau européen. Son texte a été retourné comme un gant. Donc on a de vraies difficultés au niveau européen. Il y a de vrais lobbies qui ont audience au niveau du Parlement et des parlementaires, qui font du vrai travail de lobby et de plaidoyer. Le ministre de la Justice espagnol était l'un d'eux en voulant porter la réforme espagnole au-delà des frontières espagnoles. C'était quand même une surprise incroyable en Espagne, qui est un pays de la modernité, qui a accédé à la démocratie, à la liberté, il n'y a pas si longtemps finalement, et qui était poussé par cet esprit-là, et l'esprit de la Movida aussi, ça n'a rien à voir. Enfin bon, pourquoi en Espagne, dans ce pays-là, on a remis en cause, alors finalement, ça a raté. Bon, mais ça a quand même été remis en cause, en Espagne. Oui, c'est un gouvernement conservateur. Alors aujourd'hui, je suis pas persuadée, si on reprend le cas de la France, je pense qu'aucun personnel politique aura le courage de dire j'abroge la loi. Par contre, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on peut ne pas abroger une loi, mais on peut en accentuer les difficultés d'accès à ce droit. Et ça veut dire que si vous multipliez les examens préalables, si vous multipliez vous déremboursez par exemple, c'est clair que vous en limiterez l'accès. Il y en a qui ont fait cette proposition il y a pas si longtemps. Et c'est ça votre vigilance, vous par exemple, pour sauvegarder cette loi, ça pourrait être son talon d'Achille, on n'a plus que 20 secondes. La vigilance, c'est de faire en sorte que toutes les femmes et les hommes aussi comprennent que accès à l'IVG, c'est le meilleur moyen pour pouvoir dissocier aussi la sexualité de la reproduction et que quand même c'est mieux quand un bébé est désiré. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Marie-Pierre Martinet. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, la loi sur l'avortement en France en 1975, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Fabrice Drouel, c'était une rediffusion du 2 décembre 2014. Fabrice Drouel qui vous donne rendez-vous tout cet été pour réécouter certaines affaires sensibles. Rendez-vous est pris du lundi au vendredi dès 20h sur France Inter.